L'autre catégorie de verbes qui cèdent sous la pression sont ceux dont le « o » ou le « u » devient « ue ». On en avait déjà vu quelques-uns dans les méthodes précédentes, comme « poder ». Donc, comment diriez-vous à une personne que vous vous voyez « Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît ?»« Puede cerrar la puerta, por favor ?»« Puede cerrar la puerta, por favor ?» Voici un autre exemple. « Costar » signifie « coûter ». En n'oubliant pas que « voiture » est masculin en espagnol, comment diriez-vous « Cette voiture coûte beaucoup d'argent ?» Este coche cuesta mucho dinero. Este coche cuesta mucho dinero. Volver signifie, comme vous le savez, retourner, revenir. Si dans se dit ici dentro de, en deux mots, dentro, D-E-N-T-R-O, et de, D-E, 10, diez, D-I-E-Z, et minute, minutos, M-I-N-U-T-O-S, comment diriez-vous ils reviennent ici dans 10 minutes? Il fallait dire Vuelven aquí dentro de 10 minutos. Vuelven aquí dentro de 10 minutos. Notez au passage que minute, minuto, est masculin en espagnol. Dites maintenant nous revenons ici dans 10 minutes. Volvemos aquí dentro de 10 minutos. Volvemos aquí dentro de 10 minutos. Avec nous, les voyelles de la première syllabe ne changent pas. Si on ajoute maintenant « se » au verbe, on obtient « volverse », qui signifie « se retourner ». Notez que, au passé sans plongeoir, on insiste sur la dernière syllabe. Il n'y a donc pas de changement de voyelle. Donc, comment diriez-vous, en utilisant gritar, G-R-I-T-A-R, pour crier, et mundo, M-U-N-D-O, pour monde, quand j'ai crié, tout le monde s'est retourné? Cuando grité, todo el mundo se volvió. Cuando grité, todo el mundo se volvió. On utilise le passé sans plongeoir, car ces deux actions sont deux points précis sur la ligne du passé. Comme on insiste sur la terminaison au passé sans plongeoir, le « o » de la racine ne change pas. « Se volvió ».« Volverse » signifie aussi « devenir ». On dira par exemple « se volvió loco » pour dire « il est devenu fou ». Dites-moi maintenant « elle est devenue exigeante ». Se volvió exigente. Se volvió exigente. Volverse peut donc signifier se retourner ou devenir. Un autre verbe qui cède sous la pression est acostarse. A-C-O-S-T-A-R-S-E. Qui signifie se coucher. Donc, comment diriez-vous je me couche? C'est ça. Me acuesto. Voyons maintenant acordarse de, qui signifie se souvenir de, et qui s'écrit A-C-O-R-D-A-R-S-E, plus loin, D-E. Donc, si ça se dit eso, comment diriez-vous je me souviens de cela? Me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. Pour dire « se souvenir de », vous auriez pu aussi utiliser le verbe « recordar ». Par contre, « recordar » n'est jamais accompagné de « se » ni de « de ». Pour « je me souviens de cela », on a donc « recuerdo eso ». Vous avez alors deux options pour dire « je me souviens de cela ». Vous pouvez utiliser « me acuerdo de eso » ou « recuerdo eso ».